Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien chez BeFree pour une nouvelle causerie musicale at home et online sur le thème des voix singulières au féminin. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des prêtresses de l'avant-garde, Patty Waters. Repérée à 19 ans par Albert Ayler, elle est connue pour deux enregistrements majeurs sur le label ESP dans les années 60. Sings, qui sort en 1965, et College Tour l'année suivante. OVNI de la scène musicale free jazz, suite à ces deux albums, elle s'est éclipsée pendant 35 ans de la scène musicale pour ne faire que de brèves apparitions. Née le 11 mars 1946, elle a grandi à Logan, dans l'ouest de l'Iowa, une région caractérisée par une population majoritairement blanche et une économie monopolisée par l'agriculture. Elle est élevée dans une ferme par sa mère et son beau-père. C'est sa mère qui la pousse à chanter lors de cérémonies communautaires dès l'âge de 3 ans. Elle étudie le piano et commence à chanter de manière semi-professionnelle dès le lycée avec un groupe de danse locale. Puis elle entame des tournées avec des orchestres régionaux. Elle part souvent en tournée et à l'âge de 18 ans, elle erre de ville en ville, de la côte ouest à la côte est. Elle se souvient de moments de très grande solitude, isolée de sa famille qui ne lui accorde ni aide financière ni attention. C'est une période où elle écoute dans le désespoir, nuit après nuit, Lady in Satin de Billie Holiday, sa sœur de cœur. Mixed with some dame. Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love endures. So completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter. When I'm with you, sweet. Joy and my pain, my life is yours, love. Don't explain. Thank you. You know that I love you. And what love endures. All my thoughts are of you. For I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter. And I know you cheat. Right or wrong, don't matter. When I'm with you, sweet, hush now. Don't explain. You're my joy and my pain. Yours, love. Don't explain. Vous avez tous reconnu Don't Explain, un thème cher à Billie Holiday, interprété ici en duo avec Patty Waters et Jessica Williams. Désespoir, oui, mais aussi résilience. À cette époque, elle cherche une reconnaissance auprès des musiciens, en particulier les musiciens noirs. L'une de ces rencontres est particulièrement étrange et prémonitoire. Alors qu'elle était de passage à San Francisco, en 1963, elle entend Miles Davis au Black Oak. Ils passent un moment ensemble et elle lui montre une chanson torturée qu'elle a écrite au lycée. Miles lui aurait corrigé la notation et l'aurait même encouragé. Moon, don't come up tonight. He's not here to share your lovely sight. My man has gone away and left me with a broken heart. His arms aren't near to hold me tight. Don't light forsaken dreams to hold me now that we're apart. He's not here to share your lovely sight. My man has gone away and left me with a broken heart. Ooh. Mm-hmm. Nous venons d'entendre « Moon Don't Come Up Tonight », une chanson que l'on retrouve dans 3 albums de Patti Waters. Une chanson telle une clé de voûte à son œuvre. Dans cet enregistrement, effectué lors d'un coming back en 2002, elle est accompagnée au piano par Leonard Thompson et Stewart McCain à la contrebasse. En 1964, Patti Waters s'installe à New York. Elle y travaille comme serveuse et la nuit, elle hante les clubs de jazz, particulièrement attirée par les musiciens free comme Pharoah Sanders ou Ornette Coleman. C'est à cette période qu'elle tombe amoureuse de Clifford Jarvis, le batteur de Sun Ra. Il est très souvent absent. Et comble du désespoir, cette liaison interraciale entraîne une rupture totale avec ses parents. Très souvent seule, dans une série de petits appartements, elle écrit des ballades où elle exprime sa douleur, ses peines et ses cicatrices. Une musique du cœur de la nuit, de l'insomnie amoureuse. Je vous propose d'écouter « Why is love such a funny thing ?» Ses ballades, très courtes, constituent la face A de son premier album. Elle est accompagnée au piano par Burton Green, pianiste d'une rare sensibilité, une sobriété qui vous écorche l'âme. Les mélodies n'ont rien d'enveloppant comme les standards. Elles sculptent à vif dans le sentiment. Le disque n'est pas sans rapport avec celui du duo de Jan Lee et Rand Blake. Dans l'album « The New West Sound Around » qui est sorti en 1961, où il y a la même urgence et le même sentiment de nécessité. C'est donc Albert Ayler, figure emblématique du free jazz, qui entend Patti Waters un soir dans un club. Dans ses errements nocturnes, elle chante avec Bill Evans, Charlie Mingus, Chick Corea et Herbie Hancock. Albert Ayler était alors fasciné et il la présente tout de suite à son producteur de disques, Bernard Stolman, un jeune avocat qui a créé le label ESP. Une semaine avant Noël 1965, elle est en studio pour enregistrer Sings, un album crépusculaire où sur la face B de l'album, l'improvisation se déchire jusqu'au cri. Je vous propose d'écouter « Black is the color of my true love's hair », un manifeste free de 14 minutes où la voix devient noire et intemporelle. Love's hair. Patty Waters n'est pas la première chanteuse à utiliser le cri. En 1960, Abbé Lincoln l'avait fait sur Freedom Now Suite, un cri de révolte pour l'égalité des Noirs, écrite par Max Roach et Oscar Brown. À quoi pensait-elle en enregistrant ce titre mythique ? À avoir un message politique ? À être en interaction avec les musiciens somptueux qui l'entouraient ? Ce qui est sûr, c'est que ce chant porté par une chanteuse blanche est profondément ancré dans ce que furent les années 60 pour les Afro-Américains. Avec ce titre, elle a électrisé la presse alternative. Dans le magazine Rolling Stone, Nick Toshes qualifie d'animal étrange et impressionnant sa voix. De nombreux artistes ont été fortement influencés par ce disque et le disent, notamment Patti Smith, Yoko Ono, Diamanda Galas. Elle était également une icône pour Thurston Moore de Sonic Youth, qui a d'ailleurs repris son célèbre titre « Moon Don't Come Up Tonight ». En mai 1966, en vue d'ouvrir les esprits à la New Thing, Stallman persuade le New York State Council for the Arts de parrainer un concert universitaire d'une semaine pour un groupe d'artistes de son label, ESP, réunissant Sun Ra, le pianiste Ran Blake, le saxophoniste Giuseppe Logan, le trio de Burton Green et Patti Waters. Les bandes de ces performances ont donné le deuxième album de Patti Waters, College Tour, qui a intensifié sa mystique. Vous venez d'entendre Song of Clifford, une chanson dédiée à l'amour de sa vie, faite de bourdonnements et de gémissements, en tandem avec une flûte étrange et surréelle, celle de Giuseppe Logan, saxophoniste et flûtiste singulier qui a travaillé avec Cecil Taylor avant de s'éclipser lui aussi pendant une quarantaine d'années et qui récemment est décédé du Covid. En 1967, les critiques de Downbeat classent Patti Waters seconde de sa catégorie, juste derrière Betty Carter. Patti Waters est très timide et discrète. Elle se cache du public et refuse des interviews. Et c'est à ce moment-là qu'elle disparaît de la scène et des studios pendant longtemps. Dans les années 70, elle se produit seulement à deux reprises, puis pas du tout pendant les deux décennies suivantes. Elle séjourne quelques mois en Europe, grâce à quelques économies. Chanter là-bas ne semble pas lui traverser l'esprit, malgré la présence de ses albums chez les disquaires. Et de retour à New York, elle travaille comme chargée de billetterie dans un cinéma de l'East Village. Son appartement est minuscule. La seule chose qu'elle possède est un piano droit, une petite table et un lit. Clifford Jarvis ne vient pas souvent lui rendre visite. C'est une période où la musique d'avant-garde, rejetée par l'establishment du jazz, implose. Plusieurs de ses artistes, bouleversés et usés psychologiquement, physiquement, pour avoir été si dangereusement libres dans leur musique. En effet, ces musiciens ont fait sauter toutes les notions établies de la beauté, la sécurité, la vérité. Giuseppe Logan est devenu SDF, en partie à cause de la drogue. En 1970, Albert Ayler est retrouvé mort dans l'East River. Et peu de temps après, Burton Green subit une dépression nerveuse si grave qu'il doit réapprendre à marcher. Patti Waters, elle aussi en situation précaire, est boostée, elle, par la naissance de son fils. Elle décide d'élever son enfant dans un cadre paisible et part vivre près de San Francisco. Clifford Jarvis les abandonne et elle reprend des études en sciences humaines et en art. En son absence de la scène, le mythe Patti Waters ne cesse de monter. Mais rien de tout cela n'aide à payer le loyer, ce qu'elle pouvait à peine faire, elle qui avait déménagé à Santa Cruz et pris un emploi dans la boutique de vêtements d'un ami. Il y aura au final deux grands retours. La première fois en 1995, quand la pianiste Jessica Williams organise son disque « Retour », intitulé « Love Songs », un hommage à Billie Holiday et aux standards de la communauté afro-américaine. Puis la deuxième fois, ce sera lors d'un concert enregistré à San Francisco en 2002, où son public vient en masse pour l'honorer, l'écouter. Patti Waters est touchée par l'attention de son public, mais fidèle à son habitude, elle disparaît à nouveau et rejoint son fils pour vivre à Hawaï. Patti Waters est amère, malgré les hommages et les admirateurs. Elle vit à la limite du dénuement. Alors que ses disques ont été réédités et piratés dans de nombreux pays sans qu'elle n'ait reçu aucune royalties. Tous ces griefs à l'envers Stallman. En 2003, elle se produit au Festival Vision de New York, un rassemblement annuel de jazz d'avant-garde où elle est accompagnée par son fidèle ami et partenaire, le pianiste Burton Green et le contrebassiste Mark Dresser. Les spectateurs ont frissonné quand elle est montée sur scène, la retrouvant presque à l'identique, telle qu'elle était à ses débuts. Elle a commencé à incanter le mot « amour »,« love », comme s'il était possédé, le frappant, le haletant, hurlant dans une frénésie de rage et de désillusion. Les anciennes blessures, quelles qu'elles soient, n'avaient manifestement pas guéri. Aujourd'hui, Patti Waters semble décidée à remonter sur scène, comme en témoigne son nouveau site et la publication en 2018 de deux nouveaux enregistrements. J'ai eu la chance de l'écouter lors d'une de ses escales parisiennes pour un concert underground organisé en mars 2006 à l'atelier Tampon, aux côtés du grand Henry Grimes. Espérons que l'on pourra bientôt réentendre en live la voix frêle et fantomatique de Patti Waters. Je vous dis à bientôt et portez-vous libre.